CKRL 89.1, Québec. Elles sont là des millions qui n'attendent qu'à raisonner. Reste qu'à trouver les pieds qui voudront les chausser. Bienvenue à une autre édition de Web Musique. Vous êtes avec Simon Roy pour la prochaine heure. Encore une fois, j'ai parcouru toutes les internets au complet pour vous. J'ai trouvé plein de bonnes musiques en téléchargement gratuit. Donc, c'est ça. S'il y a des pièces qui vous plaisent, vous avez juste à les télécharger. Vous vous rendez sur le blog de l'émission qui est au www.webmusique.ca. Vous allez avoir les liens vers les artistes, vers les étiquettes. Donc, tout ce qu'il vous faut pour télécharger ce que vous entendez à l'émission. On va débuter avec une pièce de Zomblaze. C'est un artiste qui est publié sur l'étiquette hongroise Buddha Beats. Buddha Beats qui ont vraiment énormément d'albums intéressants à télécharger, donc que, comme à l'habitude, télécharger de façon gratuite. On va entendre la pièce donc Vanjo Minden Rossbahn. Ensuite de ça, sur l'étiquette allemande Phonocake, ça va être l'artiste Beat Dowsing avec la pièce Chocolate. Donc, on débute Web Musique tout de suite avec Zomblaze. Oh, C'était une pièce de Beat Dowsing, donc c'est un artiste qui est aussi connu sous le nom de Transient, d'habitude, qui donne dans le drum and bass assez brutal. Ça, c'était une version, donc, presque qui se rapprochait du New Age un peu. C'était la pièce Chocolate, donc, par Beat Dowsing, comme je vous disais, un artiste qui vient de la ville de Gloversville aux États-Unis. Avant ça, bon, on avait débuté web music avec Zomblaze, un artiste de la ville de Budapest en Hongrie. C'était la pièce Vanjo Miden Rossban, donc publiée sur Buddha Beats. Pour la suite de web music, on va se déplacer du côté de la Russie. Je vous fais entendre deux pièces tirées de l'album Mental Friendship. C'est par l'artiste Elgar qui est publié sur Mental Excitement. La première pièce qu'on va entendre, j'adore le titre, c'est Attack of the Killer Kung Fu Wolf Bitch. Donc, avec un titre comme ça, je ne pouvais pas faire autrement que vous la faire passer. Ensuite de ça, ça va être la pièce intitulée Paper Doll. Donc, deux pièces par Elgar. Une toune assez planante du russe Elgar, c'était la pièce Paper Doll. Avant ça, c'était Attack of the Killer Kung Fu Wolf Bitch. Donc, deux pièces tirées de son album Mental Friendship, publié sur Mental Excitement. Pour la suite de Web Music, je vous propose cette fois-ci un artiste de la ville de Austin, au Texas. Il s'agit de Wark. Je vais entendre la pièce Catharsis. C'est un remix par Antique Face, publié sur Caracasa Music. Dimanche à 21h, La Croche-Oreille en rediffusion, une émission en art audio et électronique animée par Jean-Pierre Gué, Myriam Lambert et Ariane Plante, présentée par le Centre d'artistes Avatar de Méduse. L'accroche-oreille en rediffusion le dimanche 21h, ce sont les sonorités du futur par des gens d'ici, aujourd'hui. Cet été, le Parc national de la Jacques-Cartier vous invite à profiter de la nature pour vous sentir bien. Que ce soit pour une journée de rando ou un week-end en camping, la nature vous donne rendez-vous. Laissez-vous surprendre, émerveiller et surtout, prenez le temps de visiter notre nouveau centre de découverte et de services, véritable tremplin vers la découverte. Voyez nos suggestions sur parquequebec.com. CKRL tiendra une activité de financement importante pour la station lors de la soirée de la fête nationale le samedi 23 juin à 20h. En partenariat avec les grands événements de la Ville de Québec, CKRL a le mandat pour une deuxième année consécutive de faire la cueillette de matières recyclables et nous souhaitons votre participation pour l'occasion. Comment participer? Inscrivez-vous sans plus tarder à direction@ckrl.qc.ca ou par téléphone au 418-640-2575, poste 201. Le samedi 23 juin, on marche et on recycle collectivement. Dans le cadre de Limoilou en musique, ne manquez pas le vendredi 22 juin au Bal du Lézard, à 23h CHX Sound System, Dub, Reggae et Ska, et le samedi 23 juin, 23h les Crazy Crawlers. Le Bal du Lézard, 1049 3e avenue Limoilou. Le Bal, 26 ans de Limoilou libre. Lebaldulézard.com. Illusion auditive, une émission sur le rock de tout genre. Animée par Vincent Delisle et Jacques Dulac, vous êtes conviés à une heure de musique des années 70 à aujourd'hui. Psychédélique, garage, hard rock, progressif, classique reconnu, un rendez-vous pour les passionnés du rock, Illusion auditive, tous les samedis soirs de 21h à 22h au 89.1. The Universe. Lightness. CKRL. Image of Mystery. Québec. C'est la deuxième partie de Web Music qui débute. Donc, avant la pause, on entendait Wark, un artiste de la ville de Austin au Texas. C'était la pièce Catharsis. C'était remixé par Antique Face, un jeune artiste de 16 ans. Donc, c'était publié ça sur Caracasa Music. Pour la deuxième section de l'émission, on va se concentrer un peu plus musique tendance dub, techno dub, les trucs un peu dans ces eaux-là. Donc, on va débuter avec un groupe qui vient de la ville de Rome en Italie. C'est iNeurologici. C'est la pièce No Place for Babylon. Ensuite de ça, sur l'étiquette chilienne Epasonidos, je vous fais entendre le chilien Jack Plug avec la pièce Untitled Dub. Donc, si pendant les pièces, vous voulez me rejoindre, vous pouvez toujours le faire au 418-640-1586. Vous avez des questions, des commentaires, ça va me faire plaisir de vous répondre. Sinon, il y a toujours via Twitter, c'est à WebMusic. Sinon, ben, il y a toujours le site web qui est à www.webmusic.ca. Donc, plein de façons de me rejoindre. Ça me fait toujours plaisir d'avoir de vos nouvelles. Donc, ben, c'est ça. On écoute les Italiens iNeurologici. We'll be right back. C'était un peu de donc techno à saveur dub avec Jack Plug, un artiste de la ville de Valparaiso au Chili. C'était la pièce Untitled Dub, publiée sur Epa Sonidos. Avant, ben, on entendait de Rome High Neurologici. C'était la pièce No Place for Babylon. Pour la suite de Web Music, je vous propose un artiste français du nom de Sushi Dread, publié sur Al Dente Records, une excellente étiquette française. Je vais vous faire entendre la pièce J.R.K. Dub. Ensuite de ça, ça va être, excusez-moi, du Chili, un duo du nom de Dub Vaders avec la pièce Awake. Donc, on écoute tout de suite Sushi Dread à Web Music. يا طب المغاية منقذ الدنيا Describe it in single words. Only the good things that come into your mind. About pièce vraiment efficace par The Dub Vaders, la pièce Awake, donc Dub Vaders qui nous viennent du Chili, c'était publié sur Modismo. Avant ça, de la France, c'était Sushi Dread avec la pièce JRK Dub, publiée ça sur Al Dente Records. Ça va déjà être tout pour Web Music. Restez à l'antenne de CKRL, c'est l'émission La Croche-Oreille qui suit tout de suite après, donc une émission spécialisée en art audio, peut-être la seule au Québec, faudrait vérifier.